Le comité africain d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen séjournant au Nigeria a présenté le 20 courant dans son page d'internet le test intégral de l'œuvre classique du général Kim Jong-il, honorant à jamais le camarade Kim Il-sung, grand leader, comme président éternel de notre république, et le test intégral de l'œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un, la cause du parti des éminents camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il, triomphera à coup sûr.